के टल्ली है सारे आज टांग उठा के tout le monde. Bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir à toutes les auditrices et bien sûr, bonsoir Mélanie. Bonsoir Julie qui est juste en face de moi. Bonsoir tout le monde. Mais oui, pour une fois nous sommes côte à côte et vous l'aurez noté, il y a du bruit de fond, tout simplement parce que nous sommes en plein Paris, nous faisons ça vraiment comme des grandes journalistes d'investigation. Ah bah attends, on est des pros maintenant, parce qu'on va voir pour vous A Passage to Bollywood. Eh oui. Donc oui, nous sommes le 22 décembre, il est 20h, nous sommes devant le Théâtre Chaillot, donc c'est à Trocadéro. Il y a de très belles illuminations de Noël, il y a la Tour Eiffel, et effectivement nous allons voir un spectacle Bollywood qui s'appelle A Passage to Bollywood. Alors les plus fins connaisseurs reconnaîtront une référence à ce livre dont on avait déjà parlé, et ce film légèrement raciste des années 20. Pardon, le film date plutôt des années... 40-50, qui était A Passage to India, en version française, La Route des Indes. Oh, ça fait presque rêver, dit comme ça, tu vois. Et donc, voilà, c'est donc un spectacle qu'on a décidé d'aller voir, et qui est... Alors, Mélanie voit que j'ai pris des petites notes. Alors, elle a pris beaucoup trop de notes et j'ai froid. Ouais, il doit faire 0, voire moins 1. Oui, donc dépêche-toi. Non mais déjà, elle me force à aller à Paris alors que je déteste Paris. Je hais Paris. Dépêche-toi Julie, j'ai froid. Donc, pour l'instant, on ne sait pas trop de quoi ça va parler. Mélanie, est-ce que tu sais un peu l'histoire? J'ai pas trop regardé pour garder un petit peu de surprise. Je sais seulement que c'est une histoire avec une jeune fille, je crois, qui veut un petit peu s'extirper de sa condition. Voilà. Et t'attends quoi? Bah quelque chose de pas trop classique de Bollywood justement. Quelque chose de très sucré et très gourmand. Ça, c'est des petites phrases de journalistes qui ont vu le spectacle. Hein. Très sucré, très gourmand. Ah ouais, non, mais les commentaires d'articles sont assez méprisants, je trouve, surtout celui du Monde. Vraiment, c'est un peu, voilà. Donc, c'est un spectacle qui est chorégraphié par Ashley Lobo. Donc, c'est un monsieur qui est né en Inde en 67. Il est indo-australien et il est juge d'une émission de télé-réalité qui s'appelle India Dancing Superstar. C'est un peu notre... Mais j'ai l'impression qu'en Inde, ils ont énormément d'émissions de danse. Ouais, parce que... Alors, je sais pas si vous connaissez le... India's Best Dancer. Oui. Alors, pourquoi je vous dis ça? Vraiment, allez sur YouTube, allez regarder India's Best Dancer saison 2. Et surtout, allez regarder les performances de Somia et Vartika, qui dansent notamment sur les danses de Ben Sally. Elles sont à tomber. Elles sont incroyables. Vraiment, les prestas, je les passe en boucle. Je suis hyper admirative. Alors ce petit monsieur, Ashley Lobo, il est fondateur de l'Académie des Arts du spectacle Danceworks et de la troupe qu'on va voir ce soir qui s'appelle Navdara India Dance Theatre. Et figurez-vous qu'il a chorégraphié des films Bollywood. Mais lesquels, Julie, dis-nous tout. T'as une idée? Du Ben Sally? Non, pas du tout. Ah merde. Il a chorégraphié Namaste London, que toi t'as pas vu mais qui est avec non, notre... Non, alors j'avais regardé le début... c'est avec Katrina et Akshay. J'ai regardé le début et je me suis dit, mais c'est chiant en fait, et du coup j'ai jamais fini. Ah mais attention, il y a une voiture qui arrive. Voilà. Et alors, il a fait Job We Met. Ah oui, celui-là je l'ai vu il y a pas longtemps. Donc c'est avec Shahid Kapoor et Kareena Kapoor au temps où ils étaient encore ensemble. Que t'es un film très mignon. On le fera pas dans l'émission parce que c'est pas ouf, mais bon, c'est mignon, quoi. Il a fait nos deux derniers films dont on a parlé. Ah non, pas tout à fait quand on va le sortir. Il a fait... Entertainment? Non. Ah non. Avant? Jabari Met, c'est déjà les cocktails. Oui. Il a chorégraphié Jabari Met, c'est déjà... Ah bah, ça promet. Il a également chorégraphié Doom. Oh non, le premier? Ouais. Ah, j'ai pas vu le premier, j'ai vu que le 2 et le 3, mais ça m'a largement suffi. Et il a également chorégraphié No One Killed Jessica. Et qu'il faut absolument qu'on fasse, puisque dedans il y a Vidya Balan et Rani Mukherjee. Oui. Mais il a également chorégraphié des comédies musicales qui sont Roméo et Juliette, Les Misérables, Jesus Superstar, enfin Jesus Christ Superstar et West Side Story. Oh, le tout récent là de Spielberg? Non, la comédie musicale. Ah, la comédie musicale, excuse-moi. Mais c'est une comédie musicale quand même. Oui, mais pas le film en tant que tel, vraiment la comédie musicale. D'accord. De Broadway. Donc voilà, c'est une troupe qui va mélanger a priori danse occidentale et danse traditionnelle indienne. Donc voilà, on n'en sait pas plus, mais on a hâte de savoir ce que ça va donner et si ça va être bien. Exactement. Et ben on va pouvoir aller s'installer parce qu'il fait très très très très très froid. Voilà, et on donnera nos avis un peu plus tard. Bisous. Hi guys, this is Pratik Ganesha from Navdhara India Dance Theatre and we are here live in Paris performing a Bollywood stage musical called A Passage to Bollywood, choreographed by Mr. Ashley Lobo. We are here continuously for the next 13 shows and you've got to witness something like this. It is full of love, laughter, drama, exciting dancing and lots of fun. So you've got to be here, witness it yourself because it's not just a performance that you're going to watch but it's something like a journey that you're going to live. Et nous venons de sortir. Donc le spectacle a duré 1h20 sans entracte. Mélanie, pas de spoil pour l'instant, donne-nous un sentiment général des 1h20 que nous avons passé ensemble côte à côte. Alors je précise, nous étions au 5e rang, je vous le conseille, on était hyper bien placés. Je pense que tu es d'accord. Ah mais tout à fait, on était en plein milieu, c'était parfait. Julie a très bien choisi les places. Ah oui merci, non vraiment on était... En plus Mélanie a plus rincé la veille comme ça, mais elle va vous en parler. Alors Mélanie, ton sentiment général sur A Passage to Bollywood? Alors j'ai beaucoup aimé, visuellement c'est vraiment très très beau, les chansons sont très très chouettes. Mais il y a quand même des petits trucs qui m'ont un peu dérangée, j'étais un peu en mode... what? On en reparlera après. Ouais, je suis d'accord. Il y a du bon et il y a du moins bon. Je suis un peu perturbée, mais globalement, j'ai passé un très bon moment. Il y a plusieurs fois où j'ai bondi sur ma chaise, où j'ai attrapé Mélanie en faisant « Hiii, regarde ce que c'est, écoute et tout !» Donc globalement, ça reste une bonne expérience. Ah mais totalement, je suis très très contente. Voilà. Non, il faut qu'on spoil. Hein. Mélanie, veux-tu nous faire le synopsis de l'histoire? Parce que, alors, souvenez-vous, tout à l'heure... J'ai dit n'importe quoi tout à l'heure. Non, quand on parlait, c'était annoncé, c'est l'histoire d'un mec... Moi, j'avais dit que c'était une meuf tout à l'heure, parce qu'il s'appelle Sandy, et je sais pas pourquoi j'avais mal lu. Moi, je me dis, bah, Sandy, c'est une meuf. Pas du tout. Moi, j'avais cru que c'était l'histoire d'un gars un peu misérable qui tentait de réussir à Bombay, enfin, à Mumbai. Et j'en dirais juste là, je m'étais dit, bon, bah... On va se taper une histoire comme avec Bharati, où en gros, dans la même veine, il va tomber sur une danseuse, il va tomber amoureux d'elle. Enfin, ils vont tomber amoureux, sauf que il y aura des ennemis qui voudront pas qu'ils soient ensemble, parce qu'il y aura sûrement un mec un peu jaloux. Et il y avait les familles aussi qui normalement étaient contre. Et voilà, moi je pensais qu'on allait partir là-dessus, et en fait, bah pas du tout. Bah non, donc en fait c'est l'histoire de Sandy, un jeune villageois qui décide de monter à la capitale pour devenir acteur. Et sauf que, en fait on sait pas très bien comment, il se retrouve enrôlé dans la mafia. J'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il devient un mec de la mafia. En fait il se fait recueillir par des gars de la mafia puis il dit « Oh bah ok ». Et ensuite il tombe amoureux d'une jeune fille qui s'appelle Lila. Qui est très jolie, sauf que bah, c'est l'amoureuse du Don, qui est très beau aussi. Voilà. Oui, j'ai crushé sur le Don tout le long du spectacle. Oui, mais alors du coup, jusque-là, quand l'histoire commence, moi je m'attendais à ce que elle crush sur lui, il crush sur elle, sauf que comme elle est la possession du Don, et le Don il allait s'opposer à eux, et que, du coup ils allaient devoir essayer de le fuir, et que du coup ça allait finir en grande baston. Comme finalement... dans Matchball en fait. Voilà, et que finalement les amoureux allaient devoir fuir, et puis que le grand méchant finirait soit par mourir, soit pas se résigner, parce que le pouvoir de l'amour. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça. Eh ben non, parce que en fait, donc Sandy est amoureux de Lila, mais Lila, on a rien à foutre de Sandy. Elle se dit juste ouais, il est sympa et tout ça. Et Ram le donne. Il se rend compte que Sandy est amoureux de Lila. Il se dit de toute façon, je ne pourrai jamais épouser Lila. On ne sait pas pourquoi. Si, parce que il sait que lui c'est un don. Il est recherché par la police et tout. Et il dit oui, mais Sandy, c'est un gars bien, c'est mon bro sûr. Lui, c'est un honnête homme. Et du coup, s'il marie Lila, elle aura une belle vie avec lui. Mais Lila, on lui demande même pas son avis en fait. Et en fait, Lila, elle est en mode mais j'ai pas envie de l'épouser. Lui, j'en ai rien à foutre. Et en plus, juste après leur mariage, du coup, avec Sandy, elle fait que le tromper avec Ram en fait, avec son ex, le Don. Et du coup Sandy il est super jaloux, il voit ça, et il y a un des gars du Don qui cherche à se venger du Don justement, qui va exploiter Sandy pour qui tue le Don. Et voilà. Mais du coup moi j'étais un peu en mode mais what. aidé par une courtisane qui en profite. Or, mais c'est pareil, moi au début, la courtisane, je m'étais dit oui, en fait, elle doit être amoureuse de Sandy, c'est pour ça qu'elle tente de les séparer. Non, elle bat les couilles, elle veut juste l'argent. Mais ouais, elle veut juste du fric, elle. Et en gros, ça se finit par une tragédie parce que l'un des mafieux qui travaille avec le Don, il va tuer Lila sans faire exprès. Quand Ram va voir ça, et ben il va tuer le mec. Le mec, il va se relever, il va tuer sans faire exprès Sandy en voulant tuer le Don. Et du coup, le Don va retirer sur le mec qui a tué Sandy et qui avait tué Lila sans faire exprès. Et du coup, le Don, il finit pendu 5 ans plus tard. Mais est-ce qu'on en parle que cette... Est-ce qu'on en parle que cette histoire finit sur une pendaison et deux secondes après ils te font une méga chanson en mode hey, c'est la fin, c'est trop bien, vive les Bollywood, et là t'es là genre mais on vient de finir sur une pendaison. C'est ça, la fin est un peu étrange. Et surtout, parlons des transitions, je veux dire, Jean-Michel Transition, qu'est-ce qui se passe? Des fois t'avais des morceaux de musique qui duraient deux secondes et après ça passait sur un autre truc. Enfin, les transitions étaient un peu à chier, quoi, parfois. En fait, le problème c'est que le truc, c'est qu'en fait, je pense, il n'y a pas de metteur en scène. C'est-à-dire que on a vraiment un chorégraphe, c'est ce qu'on a dit, hein, c'est Ashley Lobo. Et honnêtement, il n'y a rien à dire sur les chorégraphies. Ah non, c'est chouette. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de mise en scène. Donc, on dirait, en fait, un spectacle étudiant. Et ouais, c'est un peu violent, mais c'est vrai parce qu'en fait, il n'y a pas de transition entre les différentes musiques. Il y a même des gros blancs. Il y a des chorégraphies qui se terminent sans musique. Il y a des moments, il y a des grands instants de pseudo scène de théâtre. Et puis hop, en fait, finalement, ça revient sur la chanson. Et là où ça se voit qu'il y a un manque de mise en scène, bah, en fait, c'est aussi dans la façon dont c'est aménagé. C'est-à-dire que donc, il y a ces transitions qui vont pas du tout. Et en fait, en guise de décor, ce qu'on a, c'est un énorme écran dans le fond, avec des images qui, là encore, n'ont pas de cohérence. C'est-à-dire que des fois, t'as l'impression qu'ils ont été chercher des fanart sur DeviantArt pour te faire des décors. Oui. Et il y a des fois, t'as l'impression qu'ils ont ressorti nos photos de Skyblog avec genre, tu vois, le fond noir avec cette rose rouge au milieu parce que ça fait rouge de l'amour et de la trahison. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces fonds? Et des fois, t'as l'impression qu'ils ont photographié chez ta grand-mère quand t'es genre, alors là, c'est le salon, alors là, c'est. Ou des photos Facebook genre alors là c'est nous et c'est moi, c'est Lila et Sandy, comment ça va? Bah ouais, c'est ça le problème, c'est que le fond, en fait, faire un fond pour te situer un décor, je trouve qu'en soi c'est une super idée, mais faut bien le faire. Et c'est pareil en fait sur vu que c'était en indie, en fait il n'y avait pas de traduction sur l'écran principal, mais t'avais des sous-titres sur les écrans qui sont sur les côtés. Et vu que nous on était assez près, bah, si tu veux lire la traduction, t'es obligé de tourner la tête. Mais du coup, tu ne vois plus ce qui se passe sur scène. Donc en fait, il aurait fallu mettre la traduction sur l'écran qui est derrière la scène, quoi. Ouais, mais même, t'as vu les traductions, elles n'étaient pas écrites en gros. T'imagines, les gens dans le fond, ils n'ont jamais vu les traductions des chansons. Mais même parce que sur l'écran, en fait, faire tout un écran en guise de fond, ça existe. Moi, je l'avais vu dans le spectacle Le Rouge et le Noir quand j'y étais allée. Et ils avaient utilisé ça, c'était bien utilisé. Ça rendait bien, en fait, parce qu'ils avaient une scène trop petite. Mais le truc, c'est que là, en plus, sur l'écran principal, en plus de ces photos qui sont relativement très moches, de temps en temps, on te met des chapitres. Alors, ça casse un peu tout le bruit des chapitres, en mode chapitre 1, chapitre 2. Et surtout, des fois, il y a des phrases de transition nulles, genre... Et donc, Sandy aime Lila, d'accord. Et donc, dans une journée propice à l'amour, tu fais OK. Enfin, vraiment... J'avais vraiment l'impression de voir un spectacle d'étudiants. Mais ouais, genre, les petites phrases, des fois, j'étais en mode « Quoi ? Qu'est-ce que ça me fait dire ?» Et ouais, en plus, à chaque fois, t'as un chapitre. Enfin, tu sais, t'as le chapitre comme s'il était tapé à la machine à écrire. Donc, chapitre 4, genre, la rencontre. Et moi, j'étais wow, c'est une... Sur des grands moments de blanc, en plus. Il y avait vraiment des moments, il n'y avait aucun silence. Et ça faisait genre... T'attendais, la scène démarre, c'était genre ah, il y a Jean-Michel qui vient de tousser dans la salle. Moi, j'avais une mamie à côté de moi qui passait son temps à soupirer. Il y a des moments, elle respirait tellement fort, je me demandais si elle s'endormait. Alors je la regardais, mais elle dormait pas. Et à la fin, elle était là, wou, wou, wou. Je fais bah, en fait, mamie, elle a bien aimé. Non, mais ouais, donc c'est vrai qu'au niveau de la mise en scène, il y aurait beaucoup de choses à reprendre pour que ce soit parfait, quoi. Mais après, moi, j'ai kiffé. Par contre, juste les costumes. Ah oui, ah non, mais j'allais y arriver. Il faut qu'on parle, il faut qu'on fasse un point costume. Parce qu'ensuite, on fera un point musique. Mais là, faisons un petit point costume. Ou attends, un petit point chorégraphie? Bah, les chorégraphies, moi les chorégraphies, je les ai adorées et moi je les trouve très très belles. Alors il faut savoir du coup qu'il y a des musiques qui sont reprises de Bollywood. Par exemple, on a eu Dola Redola de Devdas. Du coup, là en ce moment-là, on était toutes les deux. Ah, on a eu Ramelila de Ramila quand c'est pris en cas de Chopra qui danse dessus. Il y a une chanson de Dilsé, celle quand il est sur le train, j'ai pas du tout le titre, mais il y a celle-là. Il y a la grande musique de Bappa Moria du film Agnipas avec Ritrik, une chanson que j'adore en plus. Vous m'auriez vu sur ma chaise. J'étais là en mode. Et à la fin, il y avait. Souvenez-vous, on vous a dit que le chorégraphe avait fait les chorégraphies de Djabouimet. Et qu'est-ce que nous avons comme musique de fin? J'ai plus le titre, mais c'est une chanson dans Djabouimet. Moja Moja, ouais, qui est la toute dernière chanson en mode item number avec Shahid et Kareena Kapoor. Ouais. Alors ouais, et le truc c'est qu'en fait ils ont pas repris exactement les chorégraphies qu'il y a dans les films. Ça dépend. Ça sur certains mouvements oui, mais pour la majorité des mouvements c'était pas ça. Mon grand regret sur la chanson de Devdas, j'aurais adoré. Ouais. Bah la chanson c'est Ramcha Lila. Ouais. Non Ramila ouais. Oui oui. Mais ça, oui. Ça s'appelle Ram. Ramcha Lila Chai Lila Chai Ram et dono no kilo na na na na. D'ailleurs Priyanka fait un numéro incroyable dans cette chanson, elle a une chorégraphie de ouf, elle danse super bien et c'est vrai que j'aurais bien aimé voir la même chose et là c'était vachement plus assagi parce que dans le film c'est une chorégraphie qui est hyper sexuelle et là c'était très très sage en comparaison. Ouais, mais on a kiffé voir Rola des Rola de Devdas et là c'était la même chorégraphie et c'était un putain de... Bah, parce qu'elle était seule, mais ça mais reprenait oui. beaucoup des mouvements et elles étaient dans les couleurs rouges comme dans le film et c'était un pur kiff. Alors là, toutes les deux, on était en mode ah oui, fangirling. Je pense qu'on n'était pas les seules hein, dans la salle. Je pense qu'il y avait des connaisseurs et des connaisseuses aussi. Non, mais c'était très très chouette. Mais les costumes. Oui, pardon. Enfin, oui, donc du coup, oui, c'était que des musiques de films Hollywood, hein, on précise. Donc on les connaissait pas toutes, mais il y en a, voilà, comme vous l'avez entendu, il y en a certaines qu'on a reconnues. Alors les costumes, ça va pas du tout. Enfin, sur certaines tenues, les tenues que portait l'actrice qui interprète Lila sont très très belles. Mais certains costumes sont hyper kitsch, hyper pâtés. Je vous jure qu'à la fin, sur toute la scène était recouverte de paillettes qui étaient tombées des costumes durant tout le spectacle. Mais c'est surtout que les danseurs sont passés des tonnes de fois pour jeter des paillettes. C'était genre la fée clochette qui passait. Allez, plus de paillettes sur vous, amour et paillettes. Alors ouais, les costumes, le truc c'est qu'on n'est pas dans un côté aussi raffiné que sans Angelina Bansali ou qu'un film Bollywood. En fait, c'était vraiment satin, paillettes, satin. Au lieu de cuir, cuir, moustache, c'était vraiment satin, paillettes. À tel point que, on vous l'a dit, normalement il y a un Don, ah bah qui était sur la musique de Don, du oui. film Don. Et des fois il a fait le mouvement de Charouk. Ouais, il a fait le mouvement de Charouk. Mais le gars et ses bros étaient habillés en satin et paillettes. Moi j'ai cru qu'on était dans un mode disco. Et je pense que les gens dans la salle se sont dit pourquoi il y a des gens en disco qui te font genre ouais, je suis un Don, oh là là, je suis un gros mafieux. Le méchant. Le truc, c'est que c'est là qu'on voit que en fait Bollywood a pas du tout les mêmes codes de virilité que nous, parce qu'en fait tous les mafieux sur la scène là sont habillés vraiment en mode. En fait, honnêtement, je pense que quand tu regardes le truc, t'as surtout envie de crier gay vibe. Il y a vraiment un côté. Tu montres ça à des occidentaux, je pense qu'ils disent quelle est cette troupe, quel est ce côté homo érotique qui émane de tous, parce qu'ils sont là avec leurs costumes moulants, les chemises ouvertes, les fameux hauts transparents. On a retrouvé le haut transparent. Et quand tu vois ça, et puis même t'as Sandy qui te fait toute une chanson avec un gros coussin en cœur pailleté pour dire qu'il est amoureux et tout. C'est très loin des codes de la virilité occidentale. Donc nous, on a l'habitude maintenant, on sait que ça veut rien dire, mais c'est assez intéressant justement de se dire que finalement chez Bollywood, on n'est pas sur des codes voilà aux occidentaux. C'est pas, enfin avoir des tenues comme ça, c'est pas. C'est pas gay, c'est juste leur code à eux, c'est pas la même virilité. Mais par contre, autant il y a des tenues qui étaient très belles chez les filles aussi, mais à un moment donné, moi j'ai trouvé qu'on aurait dit des sapins de Noël. La tenue verte et rose, putain, t'avais envie de voir Maria Carey qui fait I don't want to love Christmas. Sur la fin, t'avais quand même les danseuses qui étaient enveloppées dans une grande cape noire. J'étais en mode, ok, on est débarqué dans un monastère où c'est des traqueurs, des mange-morts, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, on aurait dit qu'on était d'un seul coup passé genre dans du Nightwish ou du Two Step From Hell et que les meufs en cape noire qui tournent en rond. En fait, c'était Infernal Bacchanal de Notre-Dame de Paris. Vous voyez, quand à la fin, Seigneur, priez pour elle. Et qu'il y a les grandes ombres sur les murs. Bah, c'était elle. Il y avait ou Frollo de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Bah, c'était un peu... C'était bizarre d'un seul coup. Bah ouais, c'était un peu surprenant. T'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils font ça? Tu sais, c'est juste pour figurer un petit peu la haine, la colère, la rancœur. Alors là, j'ai mis des gens en capuche pour dire que c'est la fin. Il y a un moment, on a rigolé aussi. Parce que quand t'as Lila et Ram, donc le Don, qui après le mariage de Sandy et Lila se retrouvent et genre s'allongent par terre d'une manière sensuelle. À un moment, il y a Julie qui me fait « Ah bah là, c'est pour dire qu'ils sont en train de coucher ensemble !» J'étais là « Oui !» Exactement. Genre vraiment la subtilité en mode « Ah !» Genre limite si t'as pas de l'eau qui allait tomber sur eux en mode « Hey !» Ah ben, ouais. Mélanie aurait bien aimé qu'il y ait de l'eau qui tombe sur le Don. Elle a pas arrêté pendant tout le spectacle à me dire. Alors j'avoue, on a chacune reluqué un danseur différent, donc au moins on s'y retrouvait. Ah, je suis désolée, mais il était fort charmant. Je suis d'accord. Voilà. Et celle qui faisait Lila était très charmante aussi, très très jolie. D'ailleurs, je note un truc assez sympa, c'est que dans les danseuses, il y avait de toutes les morphologies. J'allais le dire aussi, je l'ai remarqué. Et là, j'étais yes, diversité. Non mais globalement tout le monde était très beau et dansait très bien, voilà. Ah mais ça il y a pas à dire. Honnêtement je pense que là on voit qu'il y a bien le chorégraphe. C'est des très belles chorégraphies. C'était vraiment les danses sont superbes, les gens dansent vraiment bien. Voilà il y avait toutes les morphologies, c'était hyper sympa. Mais alors la mise en scène vraiment c'était une cata. En fait il fallait vraiment quelqu'un pour venir faire de la mise en scène. Et je voulais dire aussi, non, il y a un problème. Le problème, c'est que la musique qui était censée représenter le Don, c'était une vieille musique techno horrible. Non, ouais, cette musique-là, elle était pas top. Non, puis même, globalement, au niveau de l'histoire, moi, des fois, enfin, tu comprends ce qui se passe globalement, mais des fois, j'étais un peu perdue. J'étais en mode, quoi? Mais pourquoi il fait ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Et tout ça. Il y a des trucs qui étaient pas logiques, qui coulaient pas de source, en fait. Genre, effectivement, pourquoi le personnage de Sandy, il se retrouve chez les mafieux et qu'il y reste? On comprend pas. Et pourquoi il rencontre la meuf seulement 4 mois après être arrivée, alors qu'elle est tout le temps là, en train de danser dans son cabaret? Bah oui, parce qu'au début, moi, je pensais qu'il se faisait agresser par les gars. Mais ouais. Et il se fait agresser au début parce qu'il le drogue et lui vole son argent. Et après, les gars le prennent sous leur aile quand même. Enfin, on comprend pas très bien pourquoi. En fait, il est pris sous l'aile du Don. Et justement, le second du Don est jaloux. C'est pour ça qu'à la fin, ouais. Il est jaloux qu'on lui ait piqué sa place. C'est pour ça qu'à la fin, il fomente un plan avec la courtisane. Mais pareil, moi, au début, j'étais dit oui, la courtisane va avoir un rôle et tout. Mais en fait, pas vraiment. Mais au départ, je croyais que la courtisane était amoureuse du second du Don qui était jaloux. Mais non, moi je pensais qu'elle était en train de craquer sur Sandy. Ouais, aussi, elle aurait pu craquer sur lui aussi. Ouais. Voilà. Voilà. En fait, on comprend que comme c'est un spectacle en indie et qu'ils peuvent pas faire vraiment de comédie ou de parler, etc. Parce que à traduire, ce serait trop compliqué. Mmh. Donc finalement, on te fait un truc assez simple pour que tout le monde comprenne à peu près sans les paroles. Mais ouais, il y a vraiment des soucis de transition, c'est terrible. Après, bon, il y avait quand même une bonne ambiance, les gens ont quand même bien applaudi, et à la fin, avec le Moja Moja, les gens étaient on fire. D'ailleurs, les danseurs sont allés chercher des gens du public pour danser. Mais oui, c'était trop bien, ça. Et là, j'ai dit à Julie, putain, heureusement qu'on est au milieu, parce que moi, c'est le genre de truc que je déteste dans un spectacle, c'est quand des gens viennent te chercher en mode, allez, allez, moi, je suis en mode, mais non, mais cassez-vous, laissez-moi tranquille. Non, c'est chouette. Et du coup, bah alors pour conclure, Mélanie, bon là, il y a plus le temps, le jour où l'épisode va sortir, il y aura, bah ce sera déjà fini puisque ça se termine à la fin de l'année. Mais si on avait eu plus de temps, aurais-tu recommandé aux gens d'aller le voir ou pas ? Bah oui, quand même, parce que ça a des défauts, mais je trouve que visuellement ça vaut le coup. Et bah en fait, tu sais, quand tu regardes un Bollywood au cinéma ou en film sur ton ordinateur, c'est trop bien. Des fois, t'as envie de danser avec eux, bah là c'est pareil. Et en fait, tu vois vraiment un vrai Bollywood sur scène, quoi. Donc c'est cool. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que si les gens sont pas très adeptes des Bollywood, connaissent pas très bien le côté kitsch ou etc. Ça fait grave cliché en fait, ça. les fameux « Ah oui, c'était sucré et gourmand, et un peu kitsch et tout ». Et j'ai compris pourquoi les gens trouvaient ça kitsch, parce qu'effectivement, c'est vraiment une histoire très simple, très basique. C'est vrai que les costumes sont quand même très kitsch. L'ambiance même est un peu kitsch et tout, ça sort vraiment sur des gros clichés. Donc, mais je pense que quand on kiffe Bollywood comme nous et comme vous qui nous écoutez régulièrement, en fait, ça fait grave plaisir de voir des vrais bons danseurs faire enfin les chorés de toutes les musiques que vous kiffez à fond. Et nous, on sautait sur nos sièges dès que c'était nos musiques favorites. Et en vrai, il aurait mieux fallu qu'ils fassent un enchaînement juste des danses et des chorés, et pas qu'ils essaient de faire un micmac de transition d'histoire et de moments un peu gênants, parce que c'était mal amené. Et donc, il faut retenir juste les moments de danse, je pense. C'est ça, ou alors retravailler un petit peu la mise en scène, et là ça pourrait être vraiment top de chez top quoi. Ouais, on va ramener un metteur en scène quoi. Voilà. Allez, si on devait mettre une note sur 20, tu mettrais... Je sais pas, toi d'abord. J'étais contente, mais c'est perfectible, donc je mettrais 14. Ok, moi je vais mettre 15, je pense, voilà. Oh, tu es généreuse. N'est-ce pas? Voilà, bah du coup vous avez eu. J'espère qu'on n'aura pas trop de bruit de fond, mais vous l'aurez compris, on vous a enregistré ça en sortant. Ah oui, là on est devant le théâtre. on prend le froid pour vous, on parle pour vous. J'espère que tout sera bien audible, sinon on aura un peu les boules. Mais voilà. Mélanie, où est-ce qu'on nous retrouve? Alors vous pouvez nous retrouver sur Twitter, bv-du-bas podcast, sur Instagram. Bollywood versus... Non, merci. Bollywood-du-bas versus, désolé. Et on a une adresse Gmail, bollywoodversus@gmail.com. Ah, c'est difficile. Non, mais je suis fatiguée. Voilà. Eh bien, écoutez, on espère que ce micro-épisode retour sur le spectacle Bollywood qui est à... Alors, il est fini à Paris. Par contre, je pense qu'il va continuer dans toute la France, parce que moi, quand j'avais vu passer le spectacle pour qu'on choisisse nos places, c'est parce qu'il venait de finir de tourner à Antibes et ils arrivaient sur Paris. Donc, il est possible qu'il y ait d'autres dates dans le reste de la France. Donc, si c'est le cas, bah allez-y, hein, courez, regardez. Je rappelle, ça s'appelle A Passage to Bollywood. Et voilà. Mais là, tu vois, c'est frustrant parce que je suis sûre que dans une heure, on va se dire « Putain, on aurait dû dire ça, on aurait dû dire ça » et tout ça. Mais là... Voilà. Non, mais en vrai, c'est franchement sympa. Et puis voilà, c'est cool quand même. Ça vaut le coup d'y aller. Voilà, exactement. Eh bien, écoutez, on vous dit bonne soirée, parce que pour nous, c'est le soir. Et puis, à très vite pour un nouvel épisode. Bye bye. Pensez à nous qui allons prendre le RER. Ah, bye bye. जन्म जन्म जन्म साथ चलना तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं